Bonsoir, merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Le 23 avril de chaque année est une journée dédiée aux livres et aux droits d'auteur. L'occasion pour le directeur de la maison d'édition Goussomo de rappeler que la lecture est un bon canal d'acquisition des connaissances, ce qui sera confirmé par des élèves et éducateurs rencontrés par notre reporter à Kayanza. Vous l'entendrez. L'organisation PARSEM trouve que les ministères devraient être dotés d'experts capables de mettre en œuvre le budget programme. Réaction intervenue après que les députés aient constaté une certaine réticence de certains ministères à s'y conformer. Et seules 2 écoles sur 400 prévues ont déjà bénéficié de l'énergie solaire de la part du projet Soleil Nyakiriza. Selon le responsable du service d'électrification des écoles dans ce projet, ce retard s'explique par le fait que certaines écoles sont construites en matériaux non durables. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. L'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités PARSEM trouve que les ministères devraient être dotés d'experts capables de mettre en œuvre le budget programme. D'après le directeur national de cette organisation, après que les députés aient déploré la réticence de certains ministères à s'y conformer, pour Faustin Dikoumana, il faut une réelle volonté politique de changer et une bonne coordination de l'action gouvernementale. On l'écoute. Normalement, le budget programme vise l'utilisation des moyens de l'État avec efficience et efficacité. Vous savez, l'argent du contribuable doit être utilisé pour que le citoyen contribuable ressente des résultats concrets. Le budget programme, c'est un budget ambitieux qui se base sur les programmes et la mobilisation des moyens se fait après. Contrairement au budget moyen qui se fait à partir des moyens dont on peut disposer. Le budget programme exige beaucoup d'éléments. Il y a d'abord une culture nouvelle basée sur la transparence, notamment la publication des documents budgétaires, l'implication citoyenne dans tout le processus budgétaire, l'inspection institutionnelle par les institutions classiques comme la Cour des comptes et le Parlement, l'abandon de certaines pratiques comme l'existence des projets hors budget. Aussi, il faut qu'il y ait des programmes, des ministres, des ministères. Les ministres doivent venir défendre leur projet de budget annuel devant le Parlement. L'ordonnateur principal, qui était le ministre des Finances, ne devrait être plus le seul ordonnateur. Tous les ministres devaient des ordonnateurs dans les dépenses des finances publiques. Il faut la capacité de mobilisation des fonds après pour la mise en application de ces projets, de ces programmes. C'est là où on va ressentir vraiment la valeur ajoutée du budget programme. Pour que le budget programme soit une réalité, il faut une volonté politique au plus haut sommet. Il faut la capacité technique et l'expertise. Il faut des ressources humaines compétentes et une meilleure coordination de la part des autorités. Les réformes du ministère des Finances, pour que le ministère des Finances soit vraiment alpha et oméga dans la mise en application de ce programme. Faustin Dikoumana, c'est le directeur national de l'organisation PARSEM. La lecture du livre développe l'imagination, la créativité et l'expression. Selon Constante Simbayobewe, une femme écrivaine, au moment le 23 avril de chaque année, le monde célèbre la journée du livre et du droit d'auteur. Élèves et responsables de l'enseignement provincial Kayanza convergent sur l'importance de la lecture des livres, bien que certains établissements scolaires ne disposent pas de bibliothèque. Mireille Kanyang. Audric Nsabiyumva, 10 ans, est en 6e année. Nous le rencontrons au Centre de lecture et d'animation culturelle CLAC Kayanza. Il affirme que le contenu des livres lus l'aide en classe. Crescence Minani, responsable de ce centre, indique que pendant les vacances, ce CLAC accueille des jeunes et adultes de l'ordre de 100 par jour. Le suivi régulier des élèves et par la lecture de livres sont quelques-unes des astuces qu'utilisent les responsables du lycée Oasis du Savoir situé en ville de Kayanza, une école classée parmi les premières lors des compétitions en poésie, selon Constance Simbayobewe, directrice d'école. Le secret, ce n'est que donc un suivi régulier. C'est pour cela que nous parvenons à avoir de bonnes places, même dans des compétitions organisées au niveau provincial. De son côté, Pierre Nduingoma, président de l'Association des professeurs de français et professeur d'université, regrette que la lecture des livres semble être négligée. L'expression des apprenants, voire des enseignants, il y a lieu de penser que les élèves ne lisent pas. Et d'ailleurs, certaines recherches montrent que les apprenants ne lisent plus. Et cela handicape leur expression tant orale qu'écrite, étant donné que, comme on le dit, l'esprit qui ne lit pas maigrit comme l'esprit qui ne mange pas. On constate vraiment que la lecture est négligée. Des fois, je m'amuse à poser des questions aux étudiants concernant les lectures faites au secondaire, surtout pour les nouveaux étudiants. Certains d'entre eux me disent qu'ils n'ont jamais lu aucun roman alors qu'il est littéraire. Un littéraire qui n'a jamais lu de roman, vous entendez que... C'est regrettable. Au moment où le 23 avril, le monde célèbre la journée de la lecture du livre et du droit d'auteur, Inès Mbecherubusa, 43 ans, enseignante et écrivain, fait savoir que la lecture revêt une grande importance. Outre le fait que c'est un bon moyen de se divertir, de pouvoir... Changer de contexte, quand on lit, on voyage, quand on lit, on découvre d'autres sphères qu'on n'a jamais vues, par exemple. Alors pour moi, ça développe aussi l'imagination, la créativité. Si j'ai lu sur les États-Unis d'Amérique, je suis capable de m'imaginer certaines choses, de créer d'autres choses dans ma tête. La lecture développe le langage, l'expression. La lecture va aider l'enfant à développer sa mémoire. Plus on lit, en fait, plus on sait conserver d'informations, plus on sait également parcourir toutes ces informations emmagasinées et par un esprit critique, choisir ce qu'il faut garder ou pas. Quant au directeur provincial de l'enseignement en province Kayanza, en la personne de Juvenal Mbonihanguye, il appelle les élèves à s'intéresser aux livres. Le manque de bibliothèques au sein des établissements scolaires, dit-il, est l'une des causes du manque d'engouement à la lecture. Et selon le directeur de la maison d'édition Goussoma, les réseaux sociaux et la cherté des livres sont parmi les raisons majeures qui expliquent le manque d'engouement à la lecture de livres. Eric Ndaïsaba propose alors que la culture de la lecture du livre soit développée dans les écoles car selon lui, la lecture est un bon canal d'acquisition des connaissances. Le livre est confronté à l'émergence et au développement de nouvelles technologies numériques. Le livre classique en papier est en train de perdre son importance par rapport au numérique. Mais cela étant, on est à travers le monde, on voit l'émergence de l'industrie du livre à travers le numérique, l'importance du numérique au niveau de l'édition, au niveau de la diffusion du livre. Mais pour ce qui est du Burundi, moi je peux parler comme problème la culture du livre. La culture du livre n'est pas développée. Nous avons appris à suivre l'enseignement en classe. L'élève ou l'étudiant n'a pas été beaucoup socialisé au livre. On accorde très peu de temps à la bibliothèque et quand l'enseignant réserve le temps pour la consultation de livres à la bibliothèque, la plupart des cas, les étudiants n'utilisent pas son temps comme il faut. La culture du livre est restée une affaire des intellectuels. Deuxième chose, c'est l'industrie du livre, le marché du livre. Qui dit industrie du livre, c'est cette connexion, cette interrelation, connexion entre l'écrivain, la maison d'édition et les librairies. Nous n'avons pas suffisamment de librairies. Il n'y a pas au cadre d'échange entre tous ces acteurs qui interviennent dans le domaine du livre. Autre chose, le livre, quand il est importé, il est cher. Demander à un Burundais d'acheter un livre à 5000 francs, 200000 francs, ça coûte cher alors qu'il a d'autres dépenses du quotidien. Et donc, moi, je pense que ce sont des défis qui rendent le livre et l'auteur au Burundi. Alors, au niveau de la culture du livre, nous ne pouvons pas considérer le livre comme quelque chose de détail. Le livre, c'est le savoir. C'est la transmission du savoir. C'est la transmission des connaissances. Des connaissances qu'on ne pourrait pas avoir. Eh bien, et les pouvoirs publics, à commencer par les pouvoirs publics, doivent prendre au sérieux l'importance accordée au livre. Je pense qu'il faut un cadre de concertation, d'échange entre les auteurs, les maisons d'édition, les librairies et les pouvoirs publics pour voir si le livre ne pourrait pas bénéficier, par exemple, de la réduction des frais de dédouanement pour que le livre arrive étant moins cher, étant accessible à l'ensemble de la population. Pour que le livre ne reste pas l'affaire déjà de Bujumbura, le livre ne reste pas au niveau des bureaux. Que le livre puisse atteindre les écoles, à commencer le livre écrit par les auteurs des Burundais. On ne peut pas ignorer le livre si vraiment on veut le développement d'un pays. le professeur Eric Ndaïsaba. Certaines écoles sont construites en matériaux non durables, ce qui perturbe l'installation des équipements du kit d'énergie solaire à ce genre d'école. C'est le constat de Jouma Edouard, responsable du service d'électrification des écoles en énergie solaire au sein du projet Soleil Nyakiliza. De son côté, la directrice provinciale de l'éducation à Gitega s'inquiète de la lenteur de ce projet, du moment que seules 2 écoles sur 400 prévues ont déjà bénéficié de cette énergie solaire. À ce propos, Jouma Edouard assure que les travaux vont reprendre très prochainement. Correspondance Gérard Nibigira. Selon Jouma Edouard, responsable du service d'alimentation des écoles en énergie solaire au sein du projet Soleil Nyakiliza, certaines écoles ont été construites par des parents sans respect des normes, donc elles sont construites en briques adobe, leurs charpentes et tôles sont incommodes et ainsi elles ne peuvent pas admettre les installations des kits des appareils produisant de l'énergie solaire. Pour arriver donc à l'électrification de telles écoles par l'énergie solaire, il explique que des armoires appropriées fabriquées de la manière dont les coffres-forts sont fabriqués seront utilisées pour abriter les parties sensibles du kit des appareils produisant de l'énergie solaire, des armoires tellement sécurisées que les voleurs ou d'autres malfaiteurs ne pourront ni les voler, ni les détruire ou les abîmer. De son côté, la directrice provinciale de l'éducation à Gitega, Godefried de Akizimana, trouve que ce projet Soleil Nyakiliza a tardé, du moment que le lancement de ses activités a été fait en commune Bugendana il y a à peu près 2 ans et dès lors rien n'a suivi. D'où elle craint pour la fin de la durée du projet avant le début de ses activités proprement dites. À propos, Jouma Edouard tranquillise quand il dit que certes ce projet a connu des difficultés au début mais que maintenant les difficultés sont levées et les activités proprement dites commencent très bientôt. Vous saurez que le projet Soleil Nyakiliza compte électrifier en énergie solaire 400 écoles fondamentales dotées de cantines scolaires et ne pouvant pas accéder à l'électricité de la régie des eaux. Aussi, elles bénéficieront des foyers améliorés et des cuisines modernes. D'autres bénéficiaires sont 400 centres de santé éloignés des lignes électriques de la régie des eaux. Aussi, la population bénéficiera des kits et des appareils produisant de l'énergie solaire à des prix abordables. Le projet, débuté il y a à peu près 2 ans, prendra fin le 31 mars 2026. C'est au moment où ce mardi, à Gitega, se tenait un atelier de sensibilisation des bénéficiaires finaux du projet Soleil Nyakiliza à l'intention des responsables administratifs, sanitaires et scolaires des provinces du Nord et du Centre-Est du pays. Depuis Gitega, Jani Bigira pour la radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Certains leaders des partis politiques et syndicalistes s'indignent que certaines formations politiques obligent aux citoyens ou employés de verser des cotisations alors qu'ils n'en sont pas membres. Inquiétude soulevée ce mardi au cours d'un atelier sur le financement des partis politiques, atelier organisé par l'Olucom. Docteur Diomède Ninheretse, expert en management des organisations, trouve que jusqu'ici cela n'est nulle part prévu dans les statuts des partis politiques. Il explique que cela peut être réglementé, mais seulement pour les militants d'une formation politique qui exige de telles cotisations. Jean-Claude Niomoukisa. Dans cet atelier, les questions posées étaient celles liées aux pratiques de certains partis politiques exigeant des cotisations aux fonctionnaires de l'État et même à la masse paysanne. Ces inquiétudes sont de Fidèle Niyonkuru de la Confédération des syndicats du Burundi. Les partis politiques se rabattent chaque jour aux cotisations de la masse paysanne pour des activités d'accueil, soit d'un président, soit d'un haut cadre. 10 000 par ménage et 5 000 pour boutique. Et cela cause un grand problème au sein des fonctionnaires. Selon Diomède Ninheretse, expert en leadership et management des organisations, cela n'est pas prévu par les statuts des partis politiques, mais c'est possible une fois bien réglementé et seulement pour les membres de partis politiques. Il est stipulé que quiconque veut donner sa cotisation passe par le parti. Il faut que ce soit légal. Alors que le Burundi chemine vers la campagne électorale, Eli Irakoze du parti AND s'inquiète du sort réservé à ceux qui ne sauront pas différencier les biens du pays de ceux de partis en ce qui est de l'automobile. Le 9 mai, le président de la République va procéder à l'ouverture officielle de la campagne électorale et tous les candidats, soit communaux, soit des parlementaires, doivent se rendre à Gitega. Ceux qui se présenteront à bord des véhicules de l'État alors qu'ils sont candidats seront-ils traduits devant la justice? Quel est le sort de ceux qui ne sont même pas permis de solliciter un financement? Selon l'expert en management des organisations, les partis politiques n'ont qu'à pointer du doigt tout désagrément qui sera observé. Vous, les présidents des partis politiques, faites des lobbying. Dire que ça sera difficile, bien sûr, c'est une lutte. Il en est une, car les partis politiques n'ont pas les mêmes moyens financiers. Je pense que les choses peuvent aller bien. La société civile, vous qui êtes non gouvernemental, Olicom, OAG, mettez ça dans vos rapports. Soyez clair, dans vos rapports. Je pense que bon nombre de Burundais s'attend à un changement immédiat. Non, ça ne marche pas ainsi. La solution ne pourra pas être qu'une. Cela a été dit ce mardi lors d'un atelier de présentation d'une étude sur le financement des partis politiques qui avait été organisée par l'Observatoire de lutte contre la corruption et la malversation économique, Olicom. Un montant de plus de 4 millions d'euros sera utilisé dans l'exécution du projet Plantwise Plus Burundi qui aide les pays à faire face aux menaces phytosanitaires et en offrant aux petits exploitants la possibilité d'accroître leurs revenus et leur sécurité alimentaire. Cette deuxième phase du projet Plantwise, lancée ce mercredi, a apporté des progrès significatifs dans la phase de formation dans les instituts techniques agricoles. L'ambassadeur des Pays-Bas au Burundi, Liane Huben, a précisé que, malgré la décision prise par son pays de fermer certaines ambassades, ils vont continuer à soutenir le Burundi jusqu'en 2026. Parle, rassure-moi. Une mauvaise gestion financière provoque des mécontentements des gens regroupés au sein d'une organisation quelconque, suivis souvent par des messages de haine et des violences de masse. Le porte-parole de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, Olicom, Nimouna Alexis, explique que ces mauvais gestionnaires ont tendance à user de la violence pour faire taire ceux qui se plaignent. Des habitants de la commune qui sosient en province de Mwaro trouvent que les gestionnaires des fonds publics devraient adopter une bonne gouvernance pour plus de traçabilité. Orléla Mocho. Certains habitants de la colline et commune Gisodi de la province de Mwaro affirment que la mauvaise gestion financière suscite des mécontentements, souvent suivis de messages de haine. Selon eux, les auteurs de la corruption devraient faire preuve de bonne gouvernance pour gérer efficacement des fonds publics. Le trésor commun, notamment dans les sociétés, est souvent accaparé par certains dirigeants qui parfois considèrent ces sociétés comme leur propriété personnelle. Ils s'approprient les biens de la société et prennent des décisions arbitraires sans consulter les associés. Son comportement finit par conduire à la destruction de ces sociétés. Les auteurs de malversations doivent comprendre que le trésor commun est comparable au bien public. Le détournement de ces ressources constitue un frein majeur au développement du pays. Pierre Nyonguru, conseiller de l'administrateur communal de Gisodi, indique que pour prévenir des tensions liées à une mauvaise gestion financière, qu'ils encouragent la population à résoudre pacifiquement les conflits. Il ne faut pas corriger une faute en commettant une autre. Il faut plutôt chercher la meilleure voie de résoudre pacifiquement les conflits. Alexis Nimouna, porte-parole de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques Olicom, affirme que la malversation conduit fréquemment à des violences de masse. Par la malversation économique, c'est utiliser les ressources publiques au profit d'un individu. C'est aussi utiliser l'autorité que le pays t'a donnée, pour tes propres intérêts. C'est également entretenir des relations avec les tiers, la tierce personne, jusqu'à ce que vous l'accordiez des facilités dans leurs affaires, contrairement aux lois et règlements en vigueur. Cela provoque le mécontentement des citoyens. Et ces citoyens, ils développent des murmures contre ces responsables administratifs. Ces administratifs, s'ils entendent que les citoyens les accusent de ces actes de malversation économique, ils peuvent réagir négativement. La plupart des cas dans le pays, que ce soit dans le nôtre ou ailleurs, vous entendez souvent des arrestations abusives. Il peut y avoir même des tueries pour calmer cette situation. Il souligne que ces mécontentements et messages de haine, souvent liés à la mauvaise gestion financière, entraînent une perte de confiance de la population envers les dirigeants et entravent également la croissance économique. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci de votre aimable écoute. Jean Bosco, Douiman.